Nasreddin, le portefeuille. Nasreddin dînait chez des amis. Comme Atatürk, il ne crachait pas sur le rakı. Le repas terminé, il rentra chez lui, guilleret. En accrochant sa pelisse au porte-manteau, il la trouva un peu plus légère qu'à l'accoutumée. Et soudain il se mit à crier « Au voleur, au voleur! On m'a volé mon portefeuille !» Khadija accourut. « Khadija, on m'a volé mon portefeuille, mais je sais qui c'est. Il y avait un nouveau à notre table. Je donnerais ma tête à couper que c'est lui. Il ne m'a même pas adressé la parole de tout le repas. En plus, quand nous nous sommes dit au revoir, il ne m'a pas regardé. J'ai bien senti qu'il évitait mon regard. Khadija, je te le dis, ce nouveau avait tout du voleur, son attitude, ses gestes. » À cet instant, on sonna à la porte. C'était Aziz, accompagné du nouveau. Nasreddin, lui dit Aziz, je te rapporte ton portefeuille. Tu as dû le faire tomber en t'habillant. Je l'ai trouvé au pied du porte-manteau. Nasreddin remercia chaleureusement. Bilgeh, le nouveau, lui fit un sourire, et les deux hommes reprirent leur chemin. Nasreddin regarda Bilgeh s'éloigner. Il ne lui trouvait plus du tout l'air d'un voleur.